Chapitre 4. Parmi les membres de la colonie parisienne qui vient chaque été passer un mois ou deux à Biarritz, les gens du pays citent avec orgueil, comme une des plus fidèles habituées de leur plage, la très riche et très noble marquise de Sizrac. La marquise est une femme entre deux âges, plus près de celui qu'on cache que de celui qu'on avoue, grande et conservant d'honorables vestiges d'une beauté blonde qui brilla du plus vif éclat dans les dernières années de l'Empire. Depuis lors, sa taille s'est un peu épaissie. Sa gorge, qui eut de bonne heure une tendance à l'épanouissement, est devenue prépondérante à charmer les yeux de Rubens, mais les lignes du visage sont restées si pures, le port si majestueux, d'une majesté naturelle sans raideur comme sans apprêt, qu'elle ne laisse pas de faire encore, le soir surtout, beaucoup d'effets dans un salon, et qu'il faudrait avoir l'esprit chagrin pour regretter outre mesure sa métamorphose de Vénus en Junon. Le bruit court que cette belle déesse a daigné s'humaniser plus d'une fois. Qu'ayant un cœur sensible et compatissant, elle a souvent, quelques-uns disent toujours, trouvé cruel d'infliger à ses adorateurs les rigueurs de cette intransigeante vertu qui décourage l'amour. On cite des noms, beaucoup de noms, une interminable liste de soupirants auxquels elle se serait montrée pitoyable. Mais que ne dit-on pas dans le monde ? Elle vit séparée depuis longtemps du marquis, excellent gentilhomme, membre du cercle agricole et spécialiste dans les affaires d'honneur, qui, moyennant une forte pension annuelle, laisse à sa femme toutes les libertés qu'un mari bourgeois ne saurait laisser, même gratis, à la sienne sans y gagner un fâcheux renom. La marquise a trois grands-fils, un peu niais, dit-elle, tout le portrait de leur père, dont elle se soucie à peu près autant que de son mari, deux belles-filles qu'elle dépeint volontiers comme étant d'une bêtise phénoménale, et plusieurs petits-enfants dont elle ne sait pas au juste le nombre. L'indépendance de ses allures, qui n'a d'égal que celle de son langage, la hardiesse de ses opinions, le tour ironique et paradoxal de son esprit, le dédain qu'elle affiche pour toutes les petites pruderies mondaines, ne laisse pas de scandaliser un peu au faubourg. On lui reproche de s'encanailler à plaisir, et de fait, son salon est le rendez-vous d'un monde bizarre. Poète symbolique ou déliquescent, philosophe illuminé, artiste méconnu, compositeur dont la musique fait aboyer les chiens, spirite, chiromancien, graphologue, attaché d'ambassade japonaise, s'y rencontre avec des femmes de lettres qui écrivent des romans hindous, des voyageuses anglaises qui parcourent l'Europe en tricycle, et des jeunes filles russes, nihilistes, qui jouent du violoncelle. Toute compromise qu'elle est par ses goûts bohèmes, et bien que la médisance trouve à s'exercer sur la cour de petits jeunes gens dont elle aime à s'entourer, sous prétexte de protéger et de mettre en lumière des talents naissants, la marquise a conservé de très belles relations. Elle est reçue partout. On va chez elle le mardi, jour qu'elle a réservé pour le vrai monde, et où l'on a chance, en venant la voir, de ne pas tomber sur des expériences de table tournante ou une audition de mélodie monténégrine. Les autres jours de la semaine, de 4 à 7, appartiennent à ses vrais amis. Dans ce petit cénacle, elle se laisse traiter en camarade, sans s'interdire de redevenir grande dame à l'occasion et de remettre à leur place, avec une impertinence hautaine, les nouveaux venus qui se sont permis d'aller dans la voie de la familiarité plus vite et plus loin qu'il ne lui plaît. Telle qu'elle est, avec son mépris des conventions et des préjugés, sa haine de l'hypocrisie, l'audace de sa conduite, de ses propos et de ses idées, sa passion pour les choses de l'esprit, son intelligence très vive, éprise de tout ce qui est nouveau, original, étrange même, son immoralité tranquille et saine, si l'on peut dire, car ses caprices, qu'elle ne se donne même pas la peine de cacher, sont imputables à un tempérament trop riche. Au lieu de l'être, comme il arrive si souvent aujourd'hui, à certains dévergondages de l'imagination, la marquise donne assez bien l'idée d'une femme de la Renaissance ou de la cour des derniers Valois, égarée dans le bourgeoisisme de notre siècle. Raymond, dont le père avait été autrefois en relation avec elle, ne put se dispenser de lui présenter sa femme. Madame de Sizrac fit à Claire le plus gracieux accueil. On alla voir, de compagnie à Saint-Sébastien, des courses de taureaux, où devait paraître une première épée, que la marquise proclama avec conviction l'homme le mieux fait qu'elle eût encore vu. Louange qui, venant d'une personne aussi compétente, était particulièrement flatteuse pour le toréador. « Eh bien, que vous semblent des courses de taureaux ? » demanda-t-elle quand tout fut fini. Raymond répondit que l'éventrement des chevaux lui avait paru chose immonde. « Bah, dit Claire, ils sont si vieux. »« Ah ça !» s'écria la marquise en riant. « Quel ménage faites-vous donc ?»« Comment ? C'est le mari qui a le cœur sensible et la femme qui ne l'a pas ?» Ils rentrèrent à Biarritz par le train du soir. Chemin faisant, Madame de Sizrac s'étendit en considérations très ingénieuses sur la finesse des attaches et la vigueur du jarret chez les Espagnols. Sa conclusion, assez inattendue, fut que Claire devait être fière de son mari pour plusieurs raisons, et pour celle-ci entre autres, que Raymond avait une structure éminemment espagnole. Claire pensa intérieurement que cette grande dame aimait à s'occuper de choses qui ne la regardaient pas, et que la structure de Raymond se serait fort bien passée de cet éloge. Puis elle eut un petit mouvement de dépit, sans trop savoir pourquoi, examina son mari avec plus de soin qu'elle n'en mettait d'ordinaire à le considérer, et après avoir dressé un rapide inventaire de sa structure, trouva, en fin de compte, que la marquise n'avait pas déjà si tort. Comme on causait de Biarritz et des gens qu'on y voyait, le nom du vieux monsieur Décoré vint à passer dans la conversation. « Vous connaissez sa spécialité ?» demanda négligemment Madame de Sizrac. « Ma foi, non, » répondit Claire. « D'où sortez-vous, ma petite ? C'est un frôleur, ce bon vieillard. »« Un frôleur ? Comment, vous ne savez pas ? Votre mari ne vous a donc rien appris. À quoi passe-t-il son temps ? Eh oui, un frôleur. Le monde en est peuplé. Il s'accroche aux jeunes femmes, surtout nouvellement mariées. Ça lui donne du ton, ça le ragaillardit, enfin. » Vous lui expliquerez cela, n'est-ce pas, monsieur ? C'est donc ça, dit Claire, qu'il a une façon si drôle de donner la main, en vous massant un peu, comme s'il voulait vous amincir le bout des doigts. Chut, fit la marquise, qui riait comme une folle, nous scandalisons votre mari. » Elle se mit alors à interroger Raymond sur ses travaux, et celui-ci répondit d'autant plus volontiers qu'il n'avait eu depuis longtemps l'occasion d'en parler à personne. Il exposa le plan du roman que son mariage avait interrompu. La marquise en trouva l'idée ingénieuse et déclara qu'elle croyait au succès. Encouragée par ses paroles bienveillantes, heureux des questions qui lui étaient adressées avec une intelligente curiosité, le jeune homme dépouilla une certaine sauvagerie un peu hautaine, et se livra tout à fait. Il parla d'une comédie dont il avait depuis plusieurs mois le scénario en portefeuille, d'un volume de vers qu'il comptait publier quelques jours. « Mais vous ne m'avez jamais dit un mot de tout cela ?» s'écria Claire, soudain reprise d'un accès de mauvaise humeur. « Excusez-moi, ma chère, » répondit Raymond, « je savais que ces questions vous intéressaient fort peu. » Et sans remarquer qu'elle se rencognait, d'un air boudeur, dans un coin du wagon, il se remit à causer tranquillement avec Madame de Sizrac. Claire faisait semblant de dormir, mais elle ne perdait pas un mot de ce qui se disait. Il lui parut que son mari s'exprimait décidément fort bien, que sa voix grave donnait je ne sais quel charme à sa parole, qu'il avait des idées à lui, et une façon de les exposer qui ne ressemblait point à celle de tout le monde. Mais ce qui la frappa surtout, c'est que la marquise l'écoutait avec un manifeste intérêt. Le lendemain matin, ils reçurent un billet de Madame de Sizrac qui les invitait, pour le soir même, à venir dîner chez elle. Tout à fait sans cérémonie, avec quelques amis de passage. Ils arrivèrent vers 6 heures à la Villa Hortense, sorte de chalet construit sur la falaise, au milieu d'un grand jardin plein de fleurs, que d'épais massifs de tamaris protègent contre les vents du large. Étendue, en plein air, sur une chaise longue, la marquise, vraiment fort belle dans sa toilette de crêpe de chine blanc, rehaussée de nœuds de velours grenat, fumait des cigarettes, tandis qu'une jeune négresse agitait au-dessus de sa tête un immense éventail en plumes de paon. 5 ou 6 personnes étaient groupées autour d'elle, en des poses aussi abandonnées que la sienne. Un vieux monsieur chauve et portant lunettes se montrait à 4 pattes au milieu d'une pelouse, dans l'attitude d'un animal qui broute, laquelle est aussi celle des gens qui observent les fourmis. Un autre, jeune, était allongé dans l'herbe sur le dos, les bras en croix, et paraissait dormir. Un troisième, la pipe à la bouche, chevauchait une chaise. 2 étaient assis, à peu près convenablement, sur un banc. Une grosse femme brune, écroulée dans un fauteuil à bascule, se balançait en imprimant avec le pied un mouvement de va-et-vient à son siège. Des bouteilles de pale ale, une carafe de limonade, des verres étaient disposés sur une table. « Tiens, » dit Claire à mi-voix, « on dirait que nous arrivons à Robinson. » En apercevant la jeune femme, Madame de Sizrac se leva et toussa légèrement, ce qui eut pour effet immédiat de leur faire prendre à tous des postures plus correctes. Avec une aisance parfaite, elle fit les présentations. Claire apprit ainsi que la grosse dame brune, dont l'effroyable corpulence rendait incertain le résultat du conflit engagé entre ses charmes et son secret, était une fanariote. Madame Théophanie Contouriadès, qui s'occupait de poésie. Le vieux monsieur s'appelait Durambay. Il avait longtemps habité l'Égypte, voyagé chez les Niam Niam et composé un ouvrage fort intéressant sur les mœurs des termites. Un petit jeune homme blond, à moustache naissante et frisée, rose de teint, timide comme une jeune fille, était Cyprien Bordère, romancier dont les débuts avaient eu un certain retentissement. Les trois autres appartenaient également au monde de la littérature ou des arts et portaient des noms absolument inconnus que la marquise énonça d'un air plein de considération. On fit le tour du jardin, puis on se mit à table. Raymond était à la droite de la maîtresse de la maison qui lui faisait toutes les grâces imaginables. Le jeune homme blond et rose raconta une nouvelle qu'il allait bientôt publier. C'était une contribution à l'enquête sociale, la monographie d'une fille de cuisine, mise à mal au premier chapitre par un Hercule de foire et qui, après avoir au second accouché avec les fers d'un enfant mort, mourait au troisième, asphyxié dans sa cuisine par les exhalaisons de l'évier un jour d'orage qu'elle épluchait des carottes. « J'ai mis près de 2 ans à documenter mon étude, » ajouta-t-il timidement. « L'accouchement, surtout, m'a donné beaucoup de mal, à cause des fers. » « Je vous crois, » fit Madame de Sizrac. « Avez-vous un bon titre, au moins ?» Il baissa les yeux et répondit d'un air modeste. « Souillon, Madame la Marquise. »« Ah, » dit-elle, « ces jeunes gens d'aujourd'hui ont des idées charmantes. Vous aurez un succès énorme, mon cher. 50 éditions. » Sur ce, la conversation devint générale. On parla des dernières œuvres publiées par les auteurs les plus en vue. On en fit la critique ou l'éloge. Claire n'aurait pas été fâchée de dire son mot comme les autres, mais elle se sentait trop peu solide sur ce terrain pour oser s'y aventurer. Et souffrait d'autant plus cruellement dans son amour-propre de cette abstention forcée, qui risquait de la faire passer pour une sotte, qu'elle avait une propension à mettre le plus possible son envahissante petite personne en avant. À mesure que la conversation s'animait, elle se trouvait plus dépaysée dans ce milieu. Le spectacle de cette femme à la mode, à riche, titrée, qui semblait s'intéresser passionnément à la discussion et ne dédaignait pas d'y prendre part, enlevait à Claire la consolation de penser, comme elle n'eût pas manqué de le faire, que les questions littéraires étaient bonnes seulement pour des cuistres. Cependant, Raymond avait pris à partie Bordère et attaquait vigoureusement les théories que venaient d'émettre les faibles naturalistes. Il revendiquait pour les romanciers le droit de compléter, de modifier, de transformer même, au gré de leur imagination, les données fournies par l'observation, soutenant qu'il n'y a véritablement œuvre d'art qu'à ce prix. Contre cette thèse, Bordère invoquait les arguments ordinairement employés par son école, la vérité plus grande, le caractère plus profondément humain, la puissance, l'intensité de vie des œuvres directement inspirées par la réalité. Stimulé par la contradiction, Raymond apporta dans sa réplique une verve et une éloquence singulières. Tous les regards s'étaient tournés vers lui. On l'écoutait avec quelque chose de plus que la simple attention, avec une sympathie qui s'adressait moins à ses idées qu'au talent dont il faisait preuve en les défendant. Claire ne s'y trompa point, et la surprise qu'elle éprouva de cette constatation eut pour effet de la mettre en un état d'esprit singulier. Elle se sentit tout ensemble satisfaite et mécontente, flattée dans son amour-propre de femme du succès qu'obtenait Raymond, particulièrement auprès de Madame de Sizrac, et en même temps furieuse aussi bien contre lui que contre la marquise de ce succès même, fière de son mari, pour la première fois, mais irritée aussi, par la révélation soudaine d'une supériorité qui reléguait son propre mérite, dont elle avait une opinion fort avantageuse, au second plan, et qu'elle ne se résignait point à rencontrer chez autrui, fût-ce chez l'homme dont elle portait le nom, sans que le premier mouvement de sa nature très personnelle fût d'en concevoir un peu d'envie. Le dîner fini, on passa au salon. « Eh bien, » dit la marquise en entraînant Claire dans un coin, « êtes-vous contente ? Votre mari a eu un véritable triomphe. Vous allez nous faire de la musique tout à l'heure ? Excusez-moi, je ne suis pas musicienne. Je n'aime pas plus la musique que la littérature. À cette phrase, jetée d'un ton sec, la marquise riposta avec un peu de hauteur. « Vraiment ?»« Eh bien, tant pis pour vous, chère madame. » Et lui tournant le dos comme on fait à un enfant grognon, elle alla rejoindre Raymond qui causait à l'autre bout du salon. « Décidément, » pensa Claire, « tout le monde ici me dédaigne. Ceci parce que je ne connais rien à leur littérature, celle-là parce que je ne suis pas née au faubourg. » Ayant eu jusqu'alors maintes occasions de voir, dans le monde où elle fréquentait, la considération se mesurait à la fortune, la jeune ambitieuse ne put, sans étonnement et sans dépit, constater que ses millions paternels, qui naguère lui valaient encore tant dommages, semblaient, dans un milieu nouveau, perdre de leur vertu. Cette humiliante découverte, tout en fournissant à sa mauvaise humeur un grief de plus contre ce mari qui lui dérobait les égards qu'elle se croyait dus, eut aussi pour effet de la contraindre à s'avouer qu'en l'épousant elle n'avait pas déjà fait un si mauvais marché, et de placer par conséquent Raymond un peu plus haut qu'auparavant dans son estime, c'est-à-dire dans son affection. Car l'instinct utilitaire de sa nature la portait à s'attacher aux gens en raison des avantages qu'elle tirait d'eux. « Messieurs, dit tout à coup la marquise, je crois être votre interprète en demandant à Madame Contouriadès de nous dire quelques vers. » Cette motion fut bruyamment approuvée. Claire, sentant qu'il était ridicule d'avoir l'air de bouder dans un coin, se rapprocha du groupe et joignit ses instances à celles de Madame de Sizrac. La poétesse, après une assez molle défense, se leva. Ils s'assirent. Un silence se fit. Elle mit la main sur son cœur et jeta d'abord ce seul mot, « chinoiserie ». Puis d'une voix où sonnait un reste d'accent exotique et qui roulait terriblement les airs, l'énorme dame commença. « J'habite en une tour de fine porcelaine. » La marquise et Claire échangèrent un regard dénotant l'étonnement que leur inspirait le choix de ce domicile. « Sur la rive du Grand Peiho, où les noirs caïmans à la fétide haleine. « Bravo !» cria le romancier naturaliste. « Pleure le soir au bord de l'eau. Je suis mignonne et frêle autant qu'un oiseau mouche. » Claire et la marquise se regardèrent de réchef en agitant leurs éventails afin de dissimuler une légère envie de rire. « J'ai des yeux verts, de fins sourcils. L'imperceptible pied perdu dans ma babouche me console de tout souci. » Une salve d'applaudissements salua la dernière strophe. « Eh bien, baron, dit Madame de Sizrac, et vous? Est-ce que vous n'allez pas nous dire quelque chose à votre tour? Vous ne savez rien par cœur. Mauvaise défaite. Tenez, voici mon album à autographe. Je ne vous laisse point sortir d'ici que vous ne m'ayez au moins écrit quelques vers sur cette page. Nous allons respirer un moment au dehors. Mettez-vous à l'ouvrage, personne ne vous dérangera. » Ils rentrèrent au bout d'une demi-heure après avoir fait le tour du jardin. « Eh bien, dit Claire à mi-voix en s'approchant de son mari, les beaux yeux de la marquise vous ont-ils heureusement inspiré ?»« Je ne crois pas, répondit-il simplement. J'ai fabriqué tant bien que mal quatre pauvres strophes, c'est tout ce que j'ai pu faire. » À la demande générale, il lut ses vers. Albert Dürer, vieux maître au pinceau hiératique, toi qui d'un nimbe d'or cerclais le front des saints, et qui des séraphins par piété mystique faisais dans tes ciels bleus voltiger les essaims, quand tu portais en toi la vision amère que ta main rude encore au burin confia, et que dans ton esprit, comme en un sein de mer, tu sentais palpiter ta mélancolia, si celle qui m'est chère avait pu t'apparaître, qu'elle eût fixé sur toi son regard triste et doux. Peut-être aurais-tu bien devant elle, ô vieux maître, comme au pied des autels pliés les deux genoux. Tu te serais caché la face contre terre, et perdu, tressaillant d'un indicible effroi, et demandant à Dieu par quel profond mystère ton rêve respirait et marchait devant toi. « Bravo, bravo, bravo !» s'écria Madame de Sizrac avec enthousiasme. Elle ajouta, en se penchant à l'oreille de Claire, « Savez-vous que je ne vous plains pas d'avoir un mari comme celui-là ? » Claire ne répondit pas. « C'est la seconde fois depuis hier, pensait-elle, que cette marquise me félicite d'avoir Raymond pour mari. Quand donc le félicitera-t-elle, lui, de m'avoir pour femme ?» Elle traversa le salon et tirant brusquement Raymond par la manche. « Allons-nous-en, » dit-elle tout bas, d'un ton sec et impérieux. « J'ai assez de poésie comme cela. » Ils revinrent à l'hôtel sans échanger une parole. À mesure qu'elle repassait dans son esprit les divers incidents de la soirée, Claire se sentait de plus en plus envahie par la colère, une de ces colères folles, comme en font les enfants et les femmes en qui l'imagination, sous l'empire d'une émotion, s'exhale soudain, se grise en quelque sorte, grossit, dénature les faits, invente des circonstances, déraisonne enfin à plaisir. Elle récapitule avec rage ses griefs contre la marquise, contre les gens qu'elle avait rencontrés là, contre son mari même. On l'avait traitée comme une petite pensionnaire incapable d'avoir ou d'exprimer une idée. On ne lui avait ni parlé ni fourni l'occasion de dire un mot. Cette femme, qui recevait des individus sortis on ne sait d'où, n'était qu'une vieille coquette et une impertinente. Lancée sur cette voie, elle eut bonne envie, pour se soulager, de faire une scène à Raymond. Mais le souvenir de la manière dont il avait froncé les sourcils au moment où elle le tirait par la manche, son air sévère depuis qu'ils avaient quitté la villa, lui en ôtèrent le courage. Aux divers sujets d'étonnement que cette soirée lui avait fournis, s'ajouta donc celui de sentir qu'un vague instinct de docilité s'était insensiblement substitué en elle, sans qu'elle sût quand ni comment, à l'habitude depuis si longtemps prise, de tout braver et de ne demander jamais conseil pour agir qu'à sa fantaisie seule. En vain, pour se donner du cœur, elle évoqua le souvenir de diverses circonstances où elle avait cherché querelle, soit à son père, soit à sa mère, et fait plier la volonté de ses parents devant la sienne. En y réfléchissant, il lui parut au-dessus de ses forces de tenter la même expérience sur Raymond. Sans vouloir s'avouer que cette timidité nouvelle était au fond un hommage rendu à ce mari qui, par le seul ascendant de son caractère, lui avait si vite enseigné le respect, Claire comprit ce soir-là que le temps des rébellions était passé. Et ce fut sans regret, avec une sorte de gratitude même, qu'elle se sentit à demi domptée, car la plus grande joie de la femme, après celle d'aimer, est celle d'obéir. Quand ils rentrèrent dans leur chambre, elle était déjà beaucoup plus calme. « Peut-on savoir qui est la personne que vous avez appelée dans vos vers, celle qui m'est chère ?» dit-elle tout à coup. « Qu'importe ! Ne m'avez-vous pas déclaré tout à l'heure que vous étiez lasse de poésie ? Laissons cela. Non, je veux savoir, qui est-ce ? » Il fit un mouvement d'impatience et répondit avec une certaine brusquerie. « Eh bien, c'est vous. Vous sembliez triste après le dîner. Votre air m'a fait penser, je ne sais pourquoi, à une gravure d'Albert Dürer que j'ai dans ma chambre à Châteaufrayé. Madame de Sizrac m'ayant demandé quelques vers, j'ai pris la première idée venue qui s'est trouvée être celle-là. « Alors, je vous suis toujours chère ?» interrogea-t-elle d'une voix très douce. Elle penchait un peu de côté la tête en le regardant, comme un enfant câlin qui mendie une caresse. Mais il n'y fit pas attention, étant occupé à chercher quelque chose au fond d'un tiroir. « Pourriez-vous me dire où vous avez rangé ma pipe ? » fit-il froidement, sans répondre à la question. Elle tressaillit et le rouge de la colère reparut sur ses joues. « Votre pipe ? Je suppose que vous n'allez pas empester la chambre de tabac à cette heure. Rassurez-vous, je vais fumer dehors. » Il sortit. Claire resta immobile un instant, comme frappée de stupeur. Puis elle se déshabilla et se coucha. Quand elle fut au lit, ses nerfs se détendirent tout à coup et elle se mit à sangloter, ce qui ne lui était pas arrivé depuis son enfance. De grosses larmes roulaient sur ses joues, larmes de rage, d'humiliation, larmes de désespoir aussi, car il lui semblait que pour avoir répondu si durement, pour être parti sans lui dire bonsoir, sans l'embrasser, sans la regarder même, il fallait que son mari ne l'aimât déjà plus, et cette idée qui, pour la première fois, se présentait à son esprit, la remplissait d'une intolérable angoisse. Elle cacha sa tête dans l'oreiller humide de pleurs. Des secousses nerveuses agitèrent violemment son corps sous les draps, qu'elle mordait en proférant contre la marquise des menaces entrecoupées d'une sorte de hoquet convulsif. À un certain moment, elle se redressa, croyant entendre le pas de Raymond, et son cœur battait avec force. Elle tendait les bras vers la porte, elle murmurait tout bas son nom, mais le bruit de pas s'éloigna, se perdit dans le couloir. Alors elle sauta à bas du lit, courut à la fenêtre, l'ouvrit toute grande et se pencha en avant pour regarder. La nuit était noire, le grondement sinistre de la mer remplissait l'espace. Un coup de vent s'engouffra dans les grands rideaux blancs et les gonfla comme une voile en éteignant presque la bougie. Claire eut peur, referma la fenêtre et se blottit en frissonnant dans son lit froid. Elle songeait. Il y a 3 semaines, c'était lui qui pleurait, pendant la nuit, comme je fais en ce moment. J'étais le consolé. Pourquoi ne vient-il pas près de moi, comme je suis allé près de lui ? Où est-il ? À quoi pense-t-il ? À cette femme, sans doute. ses larmes coulèrent de nouveau, chaudes et pressées, jusqu'au moment où, une torpeur d'accablement l'ayant envahie, elle ferma les yeux et, ramassée en une pose frileuse qui la faisait paraître aussi petite qu'un enfant, s'endormit tout à coup, la bouche ouverte, avant même que le dernier pleur eût séché sur sa joue. Pendant ce temps-là, Raymond se promenait sur la plage en fumant la pipe de Cabaroc, qu'il n'avait pas encore essayée et qui lui parut excellente. « Je serais bien sot, pensait-il, de me priver plus longtemps de fumer. » Puis il se mit à songer à la soirée qui venait de s'écouler, aux compliments qu'il avait reçus et dont la douceur avait laissé quelque chose de suave dans sa mémoire. Comme on garde aux lèvres le bouquet d'amas généreux longtemps après qu'on l'a bu. Il se sugrait à lui-même du petit succès qu'il avait remporté et sentit son ambition stimulée par le désir d'en remporter d'autres et de plus retentissants. Il décida que la marquise était une fort aimable personne, hospitalière, intelligente, instruite, spirituelle, jugea d'autant plus déplacée l'attitude maussade que sa femme avait cru devoir prendre, et s'indigna tout de bon au souvenir de la brusque et discourtoise retraite qu'une incompréhensible fantaisie de Claire lui avait imposée. Il rentra d'assez méchante humeur. Toutefois, ayant ressenti une sorte de remords en se rappelant qu'il n'avait pas dit bonsoir à sa femme, il s'approcha du lit et la regarda. Elle dormait profondément. S'il avait pu soupçonner ce qui s'était passé quelques minutes auparavant dans cette jolie tête pâle et fatiguée, tout son amour, son bel amour des premiers jours, l'aurait soudain ressaisi et jeté à genoux près de cette couche. Mais il était à l'une de ces heures où l'amour, sans commencer encore à décroître, a cessé de grandir. Or, cet amour, que le désenchantement guette déjà, ne sait plus deviner, chez l'être aimé, les mystérieuses choses du cœur qu'un surinstinct lui révélait naguère. Raymond ne s'aperçut pas plus que les cheveux de Claire étaient épars sur l'oreiller, qu'il n'eut l'idée de passer ses doigts dans leurs ondes soyeuses pour se donner à lui-même la volupté de frémir à la douceur de ce contact. Il ne vit ni le cercle de bistre qui estompait les paupières baissées, ni le sillon laissé par les larmes sur le duvet de la joue. « Elle dort, » pensa-t-il, et il craignit de la réveiller en mettant un baiser sur ses lèvres qui, l'instant d'avant, réclamaient les siennes. Et il alla se coucher, sans se douter que jamais cette charmante femme, qu'il laissait dormir seule, ne l'avait encore aimé autant qu'elle venait de l'aimer ce soir-là.